son amour comme le vent ne meurt jamais. Pendant jour de mer, je t'ai pris dans mes bras. Et contre la lumière, un coucher de soleil doré, nos silhouettes ne faisaient qu'un. Ton visage, l'eau ou la vie, il a dissous les fers de lance. De nos aventures, j'apprends encore. Et bien tu vis en moi comme je meurs en toi. Nous avons fait confiance à la vie jusqu'à ce que nous avons été séparés. La Seine coule encore de mes branches et nous étions le même tronc. En toi j'ai aimé et j'ai aimé. Soyons une même ombre. Ton amour, comme le vent, ne meurt jamais. Je t'ai pris dans mes bras. Et contre la lumière va coucher ta soleil doré. Nos silhouettes ne faisaient qu'un. Ton visage ou la vie, il a dissous les fers de lance. De nos aventures j'apprends encore. Et bien tu vis en moi comme je meurs en toi. Nous avons fait confiance à la vie jusqu'à ce que nous avons été séparés. La Seine coule encore de mes branches et nous étions le même tronc. En toi j'ai aimé et j'ai aimé l'éternité. Elle bat en moi ou moi en toi, à l'abri de ton absence. Soyons une même ombre. Oh, oh, oh, oh, oh. Chez nous étions le même tronc.